Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes bien à l'écoute de Transjonal, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme deux fois par mois le mercredi, de 20h30 à 22h. Notre numéro de téléphone est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Notre adresse, si vous voulez savoir, c'est 365 à Chaussée d'Alsenberg. 1190 de Bruxelles. Voilà. Donc ce soir, nous avons une invitée, Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un sujet concernant l'Union européenne, parce qu'il y a 10 ans, l'Union européenne recevait le prix Nobel de la paix pour sa contribution pendant 60 ans au progrès de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe. Mais. Mais est-ce que l'Union européenne ne s'est pas un peu écartée de son projet de paix? Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc il y a Abolish Frontex et Agir pour la paix qui font une semaine d'action qui dure du 10 décembre jusqu'au 18 décembre pour justement faire une action qui va aboutir à une destitution du prix Nobel de la paix, l'Union européenne. C'est ça que nous allons voir ce soir. Donc il y a des actions qui vont avoir lieu. Oui, mais on va essayer de passer le reportage d'une action qui a eu lieu un peu dans le même cadre, Abolish Frontex, entre autres. Ce n'était pas Abolish Frontex qui a organisé, mais c'était le samedi le 26 novembre, dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes. Il y a tout un groupe qui est allé devant le centre fermé des femmes à Holzbeek pour diffuser le numéro téléphone de Getting the Voice Out et pour soutenir les femmes qui étaient enfermées dans ce centre. Et donc on va lancer ce reportage qui durera 4 minutes. Thank you. Ready? 3-0. Yes. Ok. Force à vous. Force à vous. C'est pas normal que vous soyez enfermés. Ça va pas du tout. C'est pas normal. On est là pour vous supporter. Vous êtes pas seuls. Courage. Courage. C'était le reportage qui a été fait pendant l'action. Et Céline, si tu es prêt, il y a d'autres actions qui vont suivre. Oui, tout à fait. Dans là, ici, un autre cadre. Oui, c'est ça. Là, ici, c'était dans focus un peu sur les centres fermés. Là, comme tu disais, Nicole, on va parler aujourd'hui de la semaine d'action du 10 au 18 pour la décision du prix Nobel de la paix de l'Union européenne. Et peut-être que je peux commencer par parler de la campagne Abolish Frontex, parce que c'est peut-être pas clair pas tout de le monde qui est Abolish Frontex, enfin qui est. Donc en fait, c'est une campagne internationale qui a commencé en mai 2021. Et bon, c'est pas un nouveau groupe, c'est plutôt un réseau de différents groupes. Il y a, je crois, 132 organisations, groupes de personnes autonomes, des personnes individuelles militantes, qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de se rassembler sous un même mot d'ordre qui est il va rien se passer s'il n'y a pas de Abolish Frontex. Le message, c'est qu'il faut d'abord abolir Frontex. Et donc je ne vais pas citer tous les groupes qui participent, vous pouvez voir la, la liste. Mais ils viennent un peu de partout dans voilà, le monde. Voilà, c'est international et c'est aussi le fait que c'est des groupes qui s'organisent et qui ont des actions et des stratégies très différentes d'action. Il y a des gens, il y a des groupes qui sont plutôt dans la médiatisation et dans la, la, les statistiques, les analyses sur les sur la question des frontières. Il y a des groupes qui sont vraiment hyper actifs sur le terrain et spécialement sur les vraiment sur les zones frontalières et dans la solidarité aux personnes qui passent. Il y a des cuisines solidaires aussi, il y a des groupes qui sont plutôt dans la lutte contre les centres de détention, il y a des groupes de sans-papiers qui s'organisent, il y a voilà, par exemple tous ceux qui s'occupent aussi des sauvetages en mer, les réseaux Alarm Phone, Watch the Med, voilà, et donc vraiment dans, dans plusieurs pays d'Europe et hors de l'Europe, il y a donc aussi des organisations au Sénégal, au Niger, au Maroc, en Tunisie, etc. Vous pouvez effectivement retrouver toute la liste sur le site abolishfrontex.org. Et donc ce groupe essaye de, d'organiser des actions décentralisées et essaye de visibiliser aussi via le réseau les actions de, des uns et des autres qu'ils organisent dans leur localité et aussi de pouvoir faire des actions dans le même jour ou aussi de les véhiculer via les réseaux sociaux pour, en, pour communiquer ce qui se passe à travers le monde autour de la violence des frontières et de toutes les personnes qui luttent contre, contre ces frontières criminelles. Donc ici, le groupe d'Abolish Frontex qui est en Belgique a décidé d'organiser une sorte de commémoration à pour les 10 ans de l'obtention du prix Nobel, parce qu'effectivement, ce n'est pas une blague. En 2012, l'Union européenne a reçu le fabuleux prix Nobel de la paix qui récompense l'Union européenne d'avoir, pendant 60 ans, contribué à pacifier l'Europe. Donc on voit bien que 10 ans plus tard, il n'y a que dalle de tout ça. Et bien au contraire, l'Union européenne, c'est vraiment celle qui organise au mieux une bonne partie des guerres dans le monde et qui voilà et donc Le business tout, des armes avec tout le business des armes la question du climat, la question des inégalités sociales, le droit, la liberté de circuler, de s'installer. Sur tout ça, elle fait absolument le contraire de la paix. Donc, cette semaine, symboliquement, elle a été déterminée entre le 10 et le 18. Le 10 étant la Journée internationale des droits humains et le 18, la Journée internationale des personnes en migration. Bon, encore une fois, c'est un peu les espèces de jours spéciaux qui veulent rien dire, mais bon, c'est parfois de ces jours-là qu'il y a des cérémonies qui se passent, donc on a suivi ce sens-là. Et donc oui, on vous invite à venir rejoindre les quatre événements qui vont se dérouler pendant cette semaine. Donc oui, bah, peut-être que je peux faire le programme. Ouais. Ouais. Et on fait une petite musique entre les entre les quatre jours. Oui. Mm-hmm. Si c'est long, barbant, de toute façon, toutes les informations sur Internet, si vous avez zappé la boîte. Non, c'est sur, pas ça. Et sur Stut aussi, la plupart des choses sont mises en ligne. Donc ouais, le 10 décembre, donc ce samedi, il y aura une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Maouda en cinq lettres. Ça sera à la Maison qui chante à Ixelles, rue du Viaduc au numéro 122. Et donc c'est une pièce par le collectif Zoo Club qui a été écrite à partir de l'histoire de Maouda et qui a été réalisée à partir de la contre-investigation du journaliste Michel Bouffiou qui a enquêté sur le procès de la jeune Maouda après son assassinat par la police belge en 2018. Il y aura à la suite de la représentation une discussion avec Michel Bouffiou qui sera présent ainsi que Selma Ben Khalifa qui est l'avocate de la famille. Et donc la pièce commence à 20h, mais à 18h30, il y a un buffet solidaire organisé par Collectactif. Donc vous êtes bienvenus avant pour manger, et puis il y aura un bar aussi. Donc à l'issue de la pièce, à 21h30, il y aura le débat, et le bar restera un peu ouvert. Une information spéciale, il y aura une garderie d'enfants. Donc si vous voulez venir et que vous avez les enfants, ben, il y aura quelqu'un qui pourra s'en occuper pendant la pièce. pour des questions d'organisation. Par contre, si vous venez avec des enfants, ça serait chouette de nous le communiquer, de réserver, comme ça on sait combien d'enfants il y a et on sait un peu s'organiser en fonction. Donc vous pouvez nous écrire à abolishfrontexbelgium@trizop.net. Alors je détaille, abolish avec un grand A, Frontex avec un grand F, Belgium avec un grand B, et tout ça tout attaché. Et encore une fois, c'est aussi sur, sur le site. Donc voilà. Et pour la pièce, les gens ne doivent pas réserver ? Non, c'est sans réservation et c'est à prix libre, 10 euros conseillé pour la compagnie. Voilà pour le 10. Ok, peut-être on peut rajouter à ça, parce que tu as parlé que la pièce parle aussi de le procès qui a eu lieu. Oui. Et Nicole, elle a été... Oui, je suis allée parce qu'il y a eu un procès en responsabilité de l'État par rapport à cette affaire. Oui, parce qu'en fait, il y a les personnes qui étaient concernées, la personne qui a tiré, tout ça, ils sont déjà passés en procès. Il y a eu une décision de justice par rapport à ça. Mais l'État s'est déchargé, en fait, sur ces personnes-là. Et donc, l'État se considère comme non responsable. Et du coup, il y a eu une action qui a été faite. Et ce procès a eu lieu lundi, je crois, l'année dernière. Le 1er décembre. Oui, c'est ça. Le 1er décembre, c'était jeudi, alors. Le 1er décembre. Oui, il y avait justement un rassemblement le matin devant le palais de justice. Oui, c'est ça. Et il y a eu une action, enfin, il y a eu un rassemblement devant le palais de justice à Bruxelles, où il y a eu l'intervention d'un avocat, mais j'ai oublié son nom. Dans le reportage. On va l'entendre dans le reportage qu'on va passer, parce que j'ai pris un enregistrement de cette intervention. Oui. On n'entend pas l'autre, l'avocat Selma, parce qu'elle avait un problème de micro. Oui, c'était insupportable. Mais voilà, donc c'est un reportage de 7 minutes pour comprendre où ça en est aujourd'hui, le procès de Maouda. Bonjour tout le monde et merci d'être venu tôt le matin et dans le froid. Mais je pense que la cause que l'on présente et que l'on défend ici est une cause qui est vraiment fondamentale. Ça traite à notre humanité, notre capacité à pouvoir traiter tous les enfants, peu importe leur origine, peu importe leur contexte de vie, de la même façon. Tous les enfants ont les mêmes droits et le principe d'interdiction de la discrimination est inscrit à la fois dans notre constitution et dans la convention des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Je vais passer d'abord la parole à Jacques Sirens, qui est l'avocat de l'association Défense des enfants internationales, association qui porte ce recours, qui est une nouvelle étape dans les procédures et le recours dans cette triste affaire qui concerne Maouda. Je passe la parole à Jacques, merci à toi d'être venu. Nous n'allons pas recommencer le procès du policier. C'est un peu facile pour l'État de se débarrasser de sa propre responsabilité sur celle du policier qui a tiré et qui a tué Maouda. Nous n'allons pas faire le procès politique du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Yann Yambon, ni du secrétaire d'État aux étrangers, M. Théo Franken, qui ont été odieux au moment de la mort de Maouda en déclarant que finalement c'était tout à fait normal de tirer sur une camionnette dont on savait qu'il y avait des enfants à bord et en disant que, bien entendu, tout ça, c'était la faute des parents de Maouda. Ce que nous allons faire, c'est au nom de tous les enfants, au nom spécialement des enfants migrants, transmigrants, au nom des droits de l'enfant, nous allons dire que la Belgique que les autorités belges mentent lorsqu'elles disent que l'intérêt supérieur de l'enfant, que les droits de l'enfant sont au cœur de toutes les politiques et de toutes les actions. Et nous allons pointer au moins une douzaine de faits absolument scandaleux qui se sont passés cette nuit-là, dont le moins n'est pas que Ali, le frère de Maouda, il avait 4 ans, il a été bouclé dans une cellule du commissariat de Namur pendant 20 heures avec sa mère qui portait encore le sang de Maouda sur ses vêtements. Merci Jacques. Donc, l'association qui porte ce recours, c'est Défense des enfants internationales. L'objet de l'association, c'est de défendre les droits fondamentaux des enfants en Belgique et plus largement, puisque c'est une organisation mondiale qui a des sections dans de nombreux pays. Alors pourquoi Défense d'Enfants International a estimé devoir poursuivre cette affaire qui s'était déjà clôturée par plusieurs jugements à l'encontre du policier, mais aussi des personnes qui étaient qualifiées de passeurs dans cette affaire? Ces procédures qui ont eu lieu ont démontré que finalement ce ne sont que quelques, j'aurais presque envie de dire lampistes, qui ont payé pour ce qui s'est passé. Mais que pendant toutes ces procédures, ce sont les responsabilités de l'État et des organes de l'État qui ont été mises en cause. Ce sont toute une série d'actes et de comportements de personnes qui travaillent au nom de l'État et qui sont censées respecter les droits de l'enfant qui ont été mis en cause. Mais chaque fois, ces responsabilités-là, on nous a répondu qu'elles n'ont pas lieu d'être traitées dans le cadre des procédures qui était en cours. Et donc, chaque fois, il a été rappelé, mais les responsabilités de choisir de faire une chasse aux migrants, la responsabilité de donner une mauvaise adresse à l'ambulance qui vient chercher Maouda pour, on espérait à ce moment-là, la sauver, la responsabilité du parquet qui déclare, sans avoir vérifié, que Maouda est morte d'un traumatisme crânien, la responsabilité du médecin légiste qui fait un rapport qui confirme ça sans avoir vu l'enfant, la responsabilité de tous les acteurs, la police qui maintient en détention pendant plusieurs heures, vous avez entendu Maître Sirène, plusieurs enfants dans des conditions qui ne sont pas admissibles, la responsabilité des autorités qui ne protègent pas les mineurs non accompagnés qui ont été arrêtés et qui ont été ensuite relâchés, qui ont disparu de la nature. Personne n'est capable aujourd'hui de nous dire où sont les 5 autres mineurs non accompagnés qui étaient dans cette camionnette. Ils sont peut-être dans les mains de passeurs, ils ont peut-être subi d'autres traitements inhumains et dégradants ailleurs. Eh bien, ces responsabilités-là, elles n'ont pas été pointées et traitées dans le cadre des procédures. Et donc, c'est trop facile pour l'État belge de s'en sortir comme ça, de ne pas avoir rempli ses obligations, de considérer qu'il y a des catégories d'enfants que l'on peut traiter de cette façon-là et que ça n'est pas grave. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. C'est même symbolique et nous n'avons aucune garantie que ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là sur l'autoroute, ne se repassera pas à un autre moment dans d'autres conditions. Nous voulons que les autorités tirent les leçons de ce qui s'est passé, modifient leurs pratiques, forment les policiers aux droits de l'enfant. On a entendu dans le cadre des procédures que les policiers n'ont pas de formation, même de base en matière de droits de l'enfant. Ils ne connaissent pas cette notion, ils ne sont pas chargés de l'appliquer ou de la faire respecter. Nous voulons que l'État belge se pose des questions en termes d'organisation de la migration, puisque nous voyons toutes les conséquences, que ce soit en Belgique, en Europe de manière générale, à la frontière européenne de manière beaucoup plus large. Et nous voulons poser ces questions qui fassent l'objet d'un débat de société, parce que nous, en tant que défenseurs des droits fondamentaux, notamment des enfants, considérons que ce qui s'est passé, est totalement inadmissible pour une société qui prétend défendre les droits de l'enfant. Du willst Europa schützen, du bist heiß als beschissen. Denn auch wegen dir müssen Leute ertrinken. Aber freu dich ein bisschen, heute geht's nicht um dich. Ich knöpfe deine Chefs vor, diese ekligen Wichser. Große Politik, westliche Werte. Wie viele durch Kolonialismus entehrte, liegen im Meer drin. Halt deine Fresse, ich will nichts von dir hören. Du bist ziemlich rassistisch, doch das hörst du nicht gern. Grenzpolitik, Zweiklassengesellschaft. Die einen kamen schnell dran, weil sie hell waren. Und bestimmt keine Gangster, wie afrikanische Männer. Die überfallen Länder und die Länder brennen dann. Ah, ne, stimmt ja gar nicht. Flüchtlinge flüchten ja nicht, weil sie Gewalttäter sind, sondern vor Gewalt oder Klima als Henker. Ich. Abolish Frontex, Abolish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Complète. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Complète. Ihr seid komplett verlogen. Früher raubtet ihr Menschen, heute beraubt ihr den Boden. Ihr zogt darauf Grenzen, ihr gebt Subventionen, aber wegen Korruption kommt nichts an am Boden, so steigen sie in Boote. Und ihr empfangt sie dann hier an der Grenze mit Schallkanonen, Abo. Europa, du Hurensohn, schönen Gruß an die Seebrücke, Crew und so. Vielen Dank an alle Seenotretter, dank euch ist die Menschheit ein wenig besser. Menschen ertrinken im Gewässer, trotzdem Nazis immer noch am Lästern. Keine Empathie für Menschen, die probieren, die Zukunft ihrer Kinder zu verbessern. Ihr könnt weiterhin hetzen, von euch propagierte Werte verletzen. Der moralische Besten wollte den kurdischen Jungen Allah nicht retten. Ihr habt wohl alle vergessen, für den Aufstieg Europas musste Afrika brechen. Laut Nachrichtensprecher sind wir seit 2015 gar nicht mehr sicher. Was für 2015, ich konnte Rassismus schon mit 15. Das war 87 und heutzutage in Europa wieder nur Nazis. Widerlich, Achi, hier eine Bitte an meine Schatz. Ich möchte euch bitten, an Seenotretter wie zum Beispiel Seebrücke zu spenden, danke. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Komplett. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Ebullish Frontex. Komplett. On vient d'entendre la chanson Abolish Frontex de Hannibal, écrit comme H-A-N-Y-B-A-L. Oui, on est toujours à l'émission Transgenre. Oui, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Donc Céline, tu as commencé par faire le programme en annonçant la soirée. Ouais, la soirée de samedi soir. Voilà. Oui. Et bon, et après tu. Et après, on passe au mardi soir. Sera un fameux 13 du 12, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça sera un à Cap Day. Et donc à cette occasion, il y aura une soirée de projection contre les frontières et la police qui les protège. Donc bon, on n'aime pas la police, mais on les aimera encore moins ce soir-là. Donc ça sera une soirée de projection, effectivement, qui est organisée par Ni Man Is Illégal, co-organisée avec Abolish Frontex, avec le collectif Getting the Voice Out, qui est un collectif qui soutient la lutte des personnes détenues dans les centres fermés en Belgique, et le collectif Blind Spot. C'est un collectif qui est présent sur le terrain, à l'endroit des frontières, en solidarité avec les personnes qui sont au moment du passage. Je crois qu'ils sont surtout actifs à la frontière entre la Bosnie et la Serbie. Donc voilà, c'est pour un réseau d'hébergement et de solidarité pour pouvoir accueillir les personnes et les aider à reprendre la route. Et donc il y aura trois courts-métrages, Near Our Borders par le collectif Blind Spot et Martina Troxler, un autre film qui s'appelle 20 Miles More et un troisième qui s'appelle Joue Blues. Donc les projections commencent à 19h45, mais les portes ouvrent à 19h. Il y aura de la soupe, il y aura un bar, donc vous êtes bienvenus pour prendre un moment avant. Ramenez aussi des bons petits pulls, oui. Parce que l'ambiance est chaleureuse, mais il fait un peu frais quand même. Mm-hmm. Et donc tous les bénéfices de la soirée ira pour les actions No Border de ces différents groupes. Ah, j'ai pas donné l'adresse, oui, ça se passe à La Pompe, c'est à Scarbeck, à la rue Royale Sainte-Marie 185. Et voilà pour cette soirée à CAB. J'ai oublié un truc pour le 10. Je préfère le dire maintenant. Juste que je viens de me souvenir que c'est pour que ça ne soit pas une confusion. Toute cette semaine, il y a une autre pièce sur Maouda au Théâtre National qui s'appelle Maouda. Ça s'appelle Tendresse. Et donc, c'est également cette semaine, elle est là en ce moment tous les soirs. Elle termine le 10. Elle termine le 10, exactement. Et le 8 et le 9, il y a aussi une soirée avec un débat à la suite du spectacle. Mais bref, comme le même soir, il y a deux pièces au Maouda dans deux endroits différents de Bruxelles, c'était pour que les personnes ne se confondent pas. Mais je conseille les deux pièces, en tout cas. Le lendemain, oui. Si on passe à la suite, c'est aussi une soirée projection. Ça sera cette fois-ci à la Maison de la Paix, donc à la rue Van Hemelvijk, au numéro 35 à XL, donc c'est pas loin de la place Flaget. Et donc il y aura la projection du court-métrage On la nomme la brûlure, des réalisatrices Bénédicte Liénard et Maria Jiménez. Bénédicte Liénard sera là à la projection, donc il y aura un petit temps d'échange avec elle et avec d'autres invités dont on ne peut pas confirmer encore la présence, donc ça sera surprise si elles peuvent venir. Il y aura un deuxième court-métrage qui est un court-métrage réalisé par l'association marocaine qui est basée à Oujda, MSV. C'est une association d'aide aux migrants en situation vulnérable. Donc voilà, elles participent par ailleurs aussi à la campagne Abolish Frontex. Et on a mis ces deux films ensemble parce qu'il est question à la fois dans le court-métrage On la nomme la brûlure et aussi dans le court-métrage de cette association Oujda. Il s'agit de la question de la famille des personnes qui ont disparu en Méditerranée suite à la traversée. Et donc la position des mères endeuillées qui racontent la disparition de leur enfant. Et voilà, donc il y aura aussi ces images documentaires qui parleront de la situation au niveau de Oujda. Oujda, c'est une petite ville un peu au sud de Nador, qui est la petite ville la plus proche de Melilla. De près de l'enclave espagnole. Et Oujda est aussi très proche de la frontière maroco-algérienne. Donc, ici passe aussi plein de tragédies dans ces endroits de passage. Voilà. Ben, on peut relancer une petite chanson qui est Numbers, de le groupe Antiscapitalista. Ah ouais, elle est bien cette chanson. So done, passing fucking numbers on important paper to find my worth as a person. Fuck all that, I've been brainwashed long enough. Now I'm gonna fight this grip and won't let another fucking number on paper to find my worth. Oh hell no. Come on, put another one in my file. I'll never need it, not in this lifetime. This is ridiculous. Why are we still doing this? This is ridiculous. Why are we still doing this? This is ridiculous. Why are we still doing this? This is ridiculous. Why are we still doing this? Letting fucking numbers on important paper define my worth as a person. I'm so done letting fucking numbers on important paper define my worth as a person. I'm so done letting fucking numbers on important paper define my worth as a person. I'm so done letting fucking numbers on important paper define my worth as a person. Ben, c'était Anticapitalista avec Numbers et vous pouvez voir le concert bientôt au magasin 4 pendant la Boom de Noël organisée par René Binamé. Ça aura lieu le vendredi le 23 décembre et ça commence déjà à 19h et on a 4 groupes et voilà, il y a une prévente déjà aussi disponible. Pour toutes ces infos, c'est magasin4.be. Ben, on a encore sur la semaine d'action du 10 au 18, parce qu'on arrive au quatrième événement. Oui, c'est ça. Ça sera donc le dimanche 18. Bon, alors, on sait bien que c'était franchement pas la bonne date à prendre, mais parce qu'on n'avait pas pensé à ça avant, que ça allait être la finale du foot, et que du coup, c'était la grosse concurrence. Mais franchement, venez là, ça va être plus marrant. Tout le monde n'est pas forcément fan de foot. Non, c'est clair. Mais en tout cas, on s'était dit que ça pouvait faire. Mais ça sera une autre type de cérémonie, quoi. On va pas remettre une coupe. On va plutôt tracher l'Union européenne et lui voler sa médaille, dans ce sens-là. Et donc, ça sera sur le rond-point Schumann. On va normalement être sous. Sur la place, sur le rond-point, là, il y aura peut-être encore les tentes de leur espèce d'événement de Noël qu'ils font tous les ans avec des soirées celtiques et je ne sais quoi. Bref, et donc là, il n'y aura personne, donc on va un peu utiliser leur matos, je pense. Et il y aura une cérémonie sous forme d'une sorte de théâtre-action pour officiellement faire des discours qui expliquent... à certaines personnalités de l'Union européenne qu'en gros ils n'ont rien à faire avec leur prix Nobel et il y aura un certain nombre de personnes qui représentent les différentes luttes, les luttes contre la vente des armes, les luttes contre les guerres sociales, commerciales, coloniales, écologiques. Tous des mouvements qui vont prendre la parole. Et ça va se terminer comme une sorte de scène ouverte des alternatives. Et donc, en fait, c'est une bonne partie d'impro. Donc, si vous avez des choses à proposer, l'espace est ouvert. Bienvenue avec des propositions. Pouvez-vous nous écrire ou juste débarquer le jour même. Et c'est ça. Ça sera un peu comme une sorte d'open mic à la fin. Du moment que... qu'on n'y passe pas la nuit, je crois qu'on pourra rester là un peu. Ça peut finir en grosse fête. 15h. Ça commence à 15h. Et par contre, s'il pleut, il y aura peut-être une alternative d'aller dans un autre lieu, qui serait peut-être la maison qui chante, mais pour l'instant, on aura rendez-vous sur la place entourée des magnifiques buildings européens. Transparents dans les bâtiments, mais pas du tout transparents dans leur fonctionnement. Voilà, donc bienvenue pour cette semaine d'action. Et donc, à part de cette revendication comme l'Institut européen, elle doit être enlevée de son médaille, il y a d'autres revendications qui sont liées à Blech Frontex. Oui, disons que le but de la campagne, c'est effectivement de cibler l'agence Frontex. Mais indirectement, c'est de cibler tout le système qui permet de soutenir Frontex, c'est-à-dire que l'Union européenne soutient et utilise l'agence Frontex et la finance, effectivement. Donc, parmi les revendications, il y a bien sûr d'abolir Frontex, mais il y a aussi de mettre fin à toutes les opérations qu'elle organise, et la fin des refoulements, c'est-à-dire les pushbacks, et les remorquages, à l'inverse, donc les pullbacks, de demander aux États membres de l'Union européenne d'arrêter de participer aux missions de Frontex, que ce soit sur le plan logistique, avec l'apport des équipements et de moyens, c'est là où on retrouve le business des armes, et donc l'action de tous les lobbies tous les lobbies de l'armement qui ont leur petit bureau justement dans les tours tout autour. Voilà, parce qu'effectivement l'Union européenne, elle demande l'aide de Frontex pour les opérations frontalières, pour les expulsions par exemple. Il est aussi question de l'institution européenne en tant qu'elle vote les budgets de Frontex, et que Frontex pour l'instant est encore dépendante des forces armées de chaque membre de l'Union européenne. Mais bientôt elle aura son armée propre. Mais jusque-là, voilà, les gardes frontières, toutes les tous les gardes-côtes, tout ça, ce sont chaque pays européen qui organise et qui donne leurs hommes quelque part. Et c'est aussi pour alerter aussi à certaines ONG de quitter le forum consultatif de Frontex. Ça, c'est un truc un peu plus compliqué. C'est-à-dire que y a une sorte de forum qui rassemble les principales institutions européennes, les organisations internationales, et donc elles donnent leur approbation en fait au mécanisme de Frontex. Donc c'est certaines ONG, c'est leur demander de se retirer complètement des accords qu'elles entretiennent avec cette agence. Peut-être on peut encore passer à une petite musique et après on peut peut-être parler d'autres actions qui auront lieu un peu dans d'autres pays. Oui. Au continent. Je viens de celui de Asian Dub Foundation. C'était Asian Dub Foundation avec Fortress Europe. Voilà. Et alors, donc, cette action donc, en destitution que vous allez faire le 18, j'ai vu sur un site que, en fait, prix Nobel, c'est un prix Nobel, c'est attribué à vie, à chaque fois et qu'on ne peut jamais retirer un prix Nobel parce que dans l'article 10 de la charte, dans la charte d'attribution qui précise, l'article 10 de la charte d'attribution du prix, il est mentionné qu'aucun recours ne peut être formé contre la décision d'un organisme d'attribution de prix. Voilà. Tu peux même pas contester non plus. Tu peux critiquer, tu peux contester, mais tu peux pas. C'est pas prévu dans les textes que le prix Nobel soit retiré à quelqu'un qui pour lequel ça serait pas. Parce qu'il y a plein de. Ils savent bien pourquoi ils font ce genre d'article. Il y a plein de prix Nobel. Moi, j'ai toute une liste de gens à qui on attribue le prix Nobel et qui sont très contestables. Quoi. C'est, Il y en a vraiment plein. Il y avait notamment Barack Obama. Il y avait Aung San Suu Kyi. Un peu plus en amont, il y a un petit temps, il y a une cinquantaine d'années, il y avait l'OTAN aussi. Il y avait l'OTAN. Il y a eu aussi le UNHCR aussi, c'était en 54, je crois. Il y a Kissinger qui l'a eu aussi en 1976. Conjointement avec le dirigeant nord-vietnamien, le Duc Tho, pour leur rôle dans la négociation d'un cessez-le-feu dans la guerre du Vietnam. Et donc, pourtant, plusieurs voix lui reprochent d'avoir soutenu les campagnes des bombardements au Cambodge et des régimes militaires en Amérique du Sud. Voilà. Et donc, il y a eu Barack Obama, il y a eu cette militante Aung San Suu Kyi qui a quand même été critiquée pour son absence de condamnation des massacres de la mer humaine contre les Rohingyas. Tu vois, il y a plein de gens qui ont eu le prix Nobel et qui finalement ont été très contestés quoi, par la suite. Et le problème, c'est qu'ils ont eu quand même le prix Nobel. Ouais, mais c'est qui a inventé ce truc? C'est Alfred Nobel, c'est qui est un fabricant d'armes. Un fabricant d'armes. Ouais. Voilà. Tu expliques tout. C'est un fabricant d'armes. Oui, c'est la lobby. En 1900. Ouais, c'est un fabricant d'armes. Et donc, ouais. Pour rappel, le prix Nobel qu'il a donc créé est remis pour une personnalité ou une communauté, une organisation qui a le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression, à la réduction des armées permanentes. Et à la réunion, à la propagation des projets, des progrès pour la paix. Oui. Juste un petit rappel. Donc, la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire, la liberté, tout ça. Quand on voit la liste des prix Nobel, on peut un peu se poser des questions. Mais effectivement, comme tu le dis, il n'était pas prévu de destituer, d'enlever le prix Nobel à quelqu'un, mais donc ça sera une première. Non, plus sérieusement, on n'a pas pu ni voler la vraie médaille, ni avoir quelqu'un, un représentant du jury du comité Nobel. Donc, mais là, ce qui est marrant, c'est que l'institution qui donne le prix Nobel se trouve en Norvège, qui n'a jamais voulu rentrer dans l'Union Européenne non plus. Donc c'est le paradoxe. Oui, c'est remis en présence du roi et de la reine, voilà, qui seront aussi présents pour l'événement le 18. Et c'est tous les 10 décembre qu'on remet le prix Nobel à quelqu'un. Ah, donc on peut s'attendre encore à ce 10 décembre aussi. À 10 décembre, il y aura un prix Nobel qui sera remis. C'est le 10 décembre en général. Il me semblait que là, c'était le prix Nobel, c'était en octobre. Il a été remis cette année à trois personnalités. Trois personnes de. Oui. Il a été remis cet octobre. Normalement, c'était tous les 10 décembre, tous les 10 décembre de chaque année. Oui. Parce que c'est le jour de je sais plus quoi, c'est sa fête, je sais plus pour quelle raison. En tout cas, cette année, ça sera le jour de la coupe. Voilà, le 10 décembre, c'est la journée de coupe, de destitution. Ok, et je suis bien curieux aussi s'il y a d'autres actions encore. Oui, alors c'est des actions qui sont un peu lointaines, donc c'est surtout pour. Les soutenir ou de communiquer les infos sur les réseaux sociaux, d'en parler aux gens autour de nous, juste pour avoir conscience qu'il se passe des choses un peu en dehors de chez nous quand même, parce qu'on a tendance à focusser sur les actions qui sont chez nous, en Belgique ou en Europe. Mais donc un peu dans le sens de cette campagne Abolish Frontex, l'association dont j'ai parlé tout à l'heure qui est basée à Oujda, à MSV, l'association d'aide aux migrants, organise aussi, dans le cadre des actions prix Nobel, ils organisent un panel sur 2 jours, le 22 et le 23 décembre, pour présenter leur association et de parler plus spécialement de la question des disparus en mer et aux frontières et de la lutte des personnes pour la vérité et la justice. Et voilà, pour créer du lien, des réseaux entre les familles de personnes disparues. Ça pour le Maroc. Il y a aussi une action le 9 décembre sur l'île de Lesbos en rapport au pushback et à la commémoration de l'assassinat d'une personne qui était très active dans les mouvements à Lesbos, dont je ne retrouve plus le nom tout de suite, je suis désolée. Le 9 et le 10, il y aura également une action à Genève, organisée en solidarité avec les activistes en Libye, du groupe Refugees in Libya, qui ont monté une campagne contre le UNHCR. Donc en fait, l'année passée, ils ont monté ce mouvement Refugees in Libya, après un long sitting devant le HCR pour dénoncer les pratiques... L'UHR, c'est quoi ? Le UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Qui, là-bas, en Libye, vraiment fait de la maltraitance. Il est censé soutenir et protéger les personnes. Et donc, les personnes qui sont bénéficiaires du UHR n'obtiennent rien et sont à la rue, et donc dans des conditions abominables. Et donc en fait, le UHR, qui reçoit par ailleurs des prix Nobel comme ça, est complètement dans les nids totalement, quoi. Et donc ils ont fait une campagne qui s'appelle UNFAIR, the UN Refusal Agency. Et donc, via le réseau, justement, c'est un peu l'idée de le rendre visible ailleurs pour que ça ait plus de visibilité, de faire écho dans d'autres villes. Donc, il y aura une action, il y aura un sitting aussi, le 9 et le 10 dans la ville de Genève, en Suisse. Voilà, donc il y a plus d'informations sur leur page qu'ils ont créée, qui s'appelle unfairagency.org. Ah, donc, c'est un collectif qui continue à exister encore en Libye. Voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a des personnes qui font partie du réseau Solidarity with the Refugees in Libya qui sont hors de Libye. Ah oui. Qui permet de communiquer un peu plus avec eux. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu une action qui a été organisée de manière décentralisée le 15 octobre. Donc il y avait eu une action à Bruxelles devant l'ambassade d'Italie et il y en a eu donc dans 6 autres villes. Qui était une action contre le renouvellement du mémorandum Italie-Libye pour que les accords bilatéraux entre l'Italie et la Libye ne soient pas renouvelés. Bon, bien sûr, ça n'a pas trop marché. Ça a été renouvelé, effectivement. Mais donc voilà, c'est une histoire de... Le réseau sert aussi justement à faire des ponts et à pouvoir visibiliser les actions de groupes qui ne bénéficient pas autant que nous d'une couverture médiatique et d'une accessibilité aux médias et de pouvoir relayer facilement. Donc c'est de pouvoir un peu multiplier les actions. Mmh. Et donc ça, tout ça, les gens peuvent retrouver sur le site Abolish Frontex. Et voilà. Donc s'il y a moyen... L'idée, c'est d'en parler. Oui, déjà se tenir au courant de ce qui s'organise ailleurs et de pouvoir soutenir. Il y a toujours aussi un moyen de les soutenir, aussi de soutenir financièrement les actions. Donc, il y a tout sur leur site. Et donc sur le site de Abolish Frontex, en général, les actions qui concernent tous ceux qui participent à la campagne sont relayées. Donc, il y a le site abolishfrontex.org où il y a aussi beaucoup plus d'informations sur les revendications de la campagne, parce que j'ai vraiment dit ça en 3 secondes et demie. Et il y a aussi également une page Facebook qui relaie aussi les différents événements. Donc, il y a une page Abolish Frontex qui est un peu la page Abolish Frontex avec plutôt du réseau international. Et il y a aussi une page Abolish Frontex en Belgique où il y a qui est plus récente, où il y a plus des actions qui se passent par rapport au groupe qui est actif en Belgique. Oui, parce que ça aussi, je me dis, quand tu parles de financement, d'un coup, il y a aussi un appel de Getting the Voice Out que pour des téléphones. Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé de ça, parce que oui. J'ai pris ma casquette. Parce que j'étais étonnée d'entendre ça, que normalement, les détenus dans les centres fermés ont droit et peuvent acheter un téléphone sans photo, sans bête vieux téléphone comme ça. Mais apparemment, il y en a... On a constaté ça en appelant certains détenus. Alors, il me semble que ce n'est pas dans tous les centres, mais il y a au moins un centre, oui, où on a constaté que les gens avaient très peu de téléphones, donc ça a posé un peu question, parce que simplement, ils n'ont pas d'argent pour en acheter. Parce que donc... c'est 25 euros. Hein. C'est que le téléphone était prêté en même temps que la carte SIM. Là, ils peuvent recevoir une carte SIM, mais sans le téléphone. Donc, si tu n'as pas 25 euros, bah, ce qui se passe, c'est que souvent, les détenus se partagent un téléphone entre eux. Là, récemment, il y avait tout un grand nombre de personnes afghanes dans les centres. Elles avaient, personne n'avait de téléphone, donc c'était super difficile pour pouvoir les contacter. Et donc voilà, donc maintenant ça fait aussi partie des choses des objets qu'on cherche à collecter, parce que le téléphone, c'est un peu ça qui permet d'avoir le contact avec le monde extérieur, exactement. Quoi, même avec la famille, pour dire où ils avec sont la famille, et tout ça. Et aussi avec les avocats, ouais, parce que mine de rien, en fait, c'est plus facile de pouvoir appeler l'avocat directement en personne depuis son téléphone. C'est toujours possible d'utiliser le téléphone du centre, mais ça fait qu'il n'y a aucune intimité, de pouvoir pas se sentir, de parler librement avec ses proches et avec son avocat. Donc, c'est important d'avoir un téléphone. Ouais, donc voilà, c'est possible de si vous avez des petits téléphones de nous les faire parvenir ou de pour aller les apporter ou de pouvoir les envoyer par la poste. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Ouais, aller sur place, les données, tu veux dire ça, bon, ça, c'est, ça demande à prendre rendez-vous et prendre une visite. En fait, c'est possible de les envoyer à la poste au nom de la personne détenue. Ouais. Donc, et c'est distribué. Et comme ça, c'est distribué, oui. Ouais. Mmh. Peut-être emmener le 13-12 à la pompe. Bah, par exemple, le vieux téléphone, parce que Getting the Voice Out sera présent. Oui, tout à fait. Getting sera présent. Et donc, à fond, je n'y avais pas pensé, très bonne idée. Si vous voulez aussi ramener vos gros pulls et vos petits téléphones à donner... Oui, et sinon il y a toujours moyen de contribuer aux frais aussi, les recherches. Oui, tout à fait. GSM. L'appel des recherches. Mmh. Et tout ça, c'est disponible sur. Sur le site de gettingthevoiceout.org et sur notre page Facebook aussi. Et ça aussi, j'ai encore vu, mais ça, c'est une info peut-être. Tu vas en parler ? De quoi ? Qui a aussi une rencontre pour la permanence téléphonique de Getting the Voice Out. Ah oui, ça, c'est dimanche. C'est ce dimanche, oui. Ouais. Mais je pense que je vais en parler, oui. C'est, c'est dimanche, ça sera le 11, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça, je pense que j'ai ça aussi. C'est pas un samedi ? Bon, bref. Non, non, c'est dimanche 11 décembre, de 15h à 17h. Mmh. Voilà, c'est... oui, c'est appel à solidarité avec les détenus. Avec les détenus, les contacts avec les détenus, et faire sortir les témoignages permettant... de faire connaître l'existence des centres fermés et les conditions d'enfermement. Alors, nous avons régulièrement besoin de soutien pour les appels aux détenus. Et ça se passe par email à Getting the Voice. Oui, si vous avez envie de venir, vous pouvez nous écrire un mail. Voilà, comme Getting ça, the Voice Out at riseup.net. Mais c'est vraiment une demande de bénévoles pour faire la permanence téléphonique. Ils ont besoin de soutien pour les appels aux détenus. De gens qui viennent faire les appels aux détenus. Oui. Voilà, ou de répondre aux détenus, des choses comme ça. Tout à fait. Oui, donc si vous voulez agir, il y a plein de choses à faire. C'est de 15h à 17h, dimanche 11 décembre. Voilà. Et en Belgique en général, hein, donc c'est pas à Bruxelles. Ça. Mmh. Ouais. Peut-être une petite musique ? Oui. J'ai encore une dernière, c'est ça de nouveau en anglais. C'est pas grave. Mais ça parle de nouveau de No Border. Allez. Mais non, pas Frontex, mais maintenant c'est No Border. voilà, je voulais juste encore dire la chanson qu'on vient d'entendre sur No Border, No Nation, The Conscious Youth. Voilà, pour traduire en français, c'est ni frontières ni nations. donc, No Borders, No Nations. Ben maintenant, nous allons passer. Ouais, peut-être, oui. Ah, on a clôturé. Ah, oui. Tu veux encore répéter encore une dernière fois simplement. Qui a eu la semaine pour les gens qui viennent nous écouter maintenant. Ouais, toujours moyen hein, qu'on bienvenue à la, du 10 au 18 à la semaine d'action contre l'Union Européenne et son non-prix Nobel de la paix. Donc le 10, le 13, le 14 et le 18, bienvenue, au plaisir de vous y voir. Et pour les autres, pour un peu plus d'infos, c'est tout sur le site de Abolish Frontex, tout attaché, abolishfrontex.org, ou sur l'équivalent sur Facebook aussi. Ouais. Et sur l'agenda du STUT, toutes les dates sont là. Ouais. Aussi. Sauf le 13. Sauf le 13, mais ouais. Ça. Mais ça, vous pourrez regarder sur le site de Abolish Frontex. Et la semaine d'action. Ouais. Quoi. Merci beaucoup, Céline, d'être venue. Merci à vous. Hein? Et bah, peut-être à une autre fois. Ouais. Donc, nous allons passer à l'agenda. Donc, d'abord, je vais vous énumérer tous les événements qui ont lieu d'une façon permanente. Donc, tous les jeudis de 17h à 20h, il y a la permanence aux Hautes Morgues de la Bibliothèque anarchiste, qui est 32 rue de la Grande Île à 1000 Bruxelles. Alors, tous les lundis, mercredis et jeudis de 19h à 21h à La Pompe, justement, on en a parlé tout à l'heure, 185 rue Royale Sainte-Marie à Scarbeck, il y a le NMS Boxing Club qui est un projet politico-sportif, un lieu d'entraide, de solidarité, d'apprentissage du sport et des luttes féministes. Alors, vous pourrez faire du renforcement musculaire, de la boxe thaïlandaise ou de la boxe anglaise. Voilà, tous les lundis de 14h30 à 17h30, il y a la permanence squat à l'assaut du vide, qui est au Burtwinkel, 13 Place à Naissance à Bruxelles. Tous les mercredis de 10h à 13h, permanence occupation au 110 rue de Coster à 1190 Forêt. Et tous les mercredis de 17h à 21h, un café queer au Nast Monique, 230 Quai de l'Industrie à 1070 Anderlecht. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux événements ponctuels. Donc jeudi 8 décembre 2022 de 12h15 à 14h30 au K3401, campus Solbosch de l'ULB, avenue Paul-Léger 22 Bruxelles, dans le cadre du Midi Librex, il y a « Comment la ville se transforme à travers les promoteurs immobiliers » avec Alice Romainville, géographe et travailleuse sur le marché de l'immobilier résidentiel et les politiques de logement. Alors le jeudi 8 décembre 2022 également, de 19h à 21h30, le MOC Bruxelles, rue Plettings, numéro 19 à Bruxelles, organise une conférence débat « Sortir l'énergie des griffes du marché ». Le jeudi 8 décembre également, de 19h30 à 20h30, au Labo Cube 242 Chaussée de Louvain à 1000 Bruxelles, il y a une conférence pour une contraception autonome et libre de tout pouvoir. La contraception appartient-elle au monde de la médecine? Sa délégation à un corps spécialisé est-elle inéluctable? Comment l'institutionnalisation nous rend-elle dépendantes ou dépendantes des bonnes volontés de l'État? Ne sommes-nous pas capables de nous prendre en main et de faire face à nos besoins? Voilà toutes les questions qui vous seront posées. Vendredi 9 décembre 2022 de 9h30 à 12h30 à l'Université populaire d'Anderlecht, rue Lambert-Crix 19 à 1070 Anderlecht. Il y a une formation « Crise et acteurs du logement à Bruxelles » qui est organisée par le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. Vous avez un site, c'est rbdh-bbrow.be. Alors, le vendredi 9 également, de 17h30 à 22h, l'Adhésif organise sa table d'hôte. Donc, c'est 71 rue de Liederkerk à 1210 Saint-Josse. Alors, le vendredi 9 décembre également, de 19h30 à 22h, au CBO 407 Chaussée de Jette à 1090 Jette, il y a un ciné-rencontre, services sociaux toutes et tous précaires. Les crises successives ont significativement mis sous tension les services sociaux. Les organismes et associations de première ligne sont au bord de l'explosion. Alors, vous avez un site, si vous regardez sur le site pour avoir plus d'infos sur Zine TV, et le prix est libre. Alors, ensuite, du 10 décembre donc au 18, là, on vous en a parlé en long, en large et en travers. Donc, il y a la semaine d'action qui va aboutir à une destitution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne qu'elle a reçu il y a 10 ans. Voilà. Je ne vais pas vous refaire le topo. Donc, c'est du 10 au 18 décembre. Le dimanche 11 décembre 2022, de 14h à 20h47, c'est très précis, la parole errante, oui, 8 rue de Bergue, Montreuil, ça c'est en France. Alors, à Paris, il y a un procès 1312, mutilation de Laurent, invitation au procès populaire de la police et de la justice. Donc, je vais vous expliquer l'histoire. Le 15 septembre 2016, sur la place de la République à Paris, Laurent, un syndicaliste de la santé, a eu un œil arraché par une grenade lancée par un policier anti-émeute. Le 12, 13 et 14 décembre 2022, Alexandre Mathieu sera le premier policier de l'histoire contemporaine à être jugé par la cour d'assises pour avoir mutilé un manifestant. Nous n'attendons rien de l'institution judiciaire. Nous avons décidé d'organiser un tribunal populaire en amont le 11 décembre et pendant ces 3 jours de décembre. Ce procès sera celui de la police, de la justice et de l'État. Alors, le dimanche 11 décembre, j'en ai parlé tout à l'heure, donc de 15h à 17h, il y a un appel à soutien qui est demandé par Getting the Voice Out pour faire des appels aux détenus, parce qu'ils ont besoin de personnes pouvant faire des appels à des détenus qui sont dans les centres fermés. Alors, le dimanche 11 décembre 2022, de 19h à 22h, le Soon Jazz Club, rue de la Tulipe 28 à Bruxelles. Il y aura de la musique kurde à l'occasion des 10 ans de la révolution au Rojava, avec la chanteuse Jihan Kamislo, accompagnée de son joueur de sas, instrument à cordes kurde. C'est 5€ pour rentrer. Alors, ensuite, le lundi 12 décembre, de 18h à 22h à la Tricoterie, 158 rue Théodore Verhagen, 1060 Saint-Gilles. Il y aura une projection avec une rencontre également sur le film Powerlands. Donc c'est Kinoa, le SNCD 11-11-11, Bruxelles Laïque et la Tricoterie qui s'associent pour une soirée projection inédite dédiée à la lutte des droits humains. En avant-première, le documentaire Powerland, en présence de la réalisatrice Yves Camille Manibase Tso et la productrice Eva Jasiewski. Vix, pardon, excusez-moi. Voilà. Le mardi 13 décembre 2022 et le 14 décembre 2022 également, de 9h à 20h, en distanciel et ou à Lyon, à l'école des psychologues praticiens, il y a 2 jours de séminaire de la communauté mixte de la recherche, Cap Droit. Le 13 et 14 décembre, sur l'articulation entre droits humains, handicap et prison. Alors, l'inscription est obligatoire et toutes les informations sont sur ce lien confcap, en un seul mot, -capdroit.org. Donc, confcap-capdroit au pluriel.org. Alors, vous avez un site également qui s'appelle site du CAPLAB. C-A-P-L-A-B. Voilà. Alors, ensuite, le 14 décembre, donc c'est le mercredi, de 19h à 21h, à la salle COP de la SMART, rue Conrad, 72 060 Saint-Gilles, il y a une rencontre entre Silvio Mara, qui est un ancien délégué aux Forges de Clabecq, et École en Lutte, qui est un collectif d'acteurs de l'école, dont la mission est de sensibiliser, de mobiliser et de porter des actions afin que le personnel et les élèves de l'école travaillent dans des conditions respectueuses et émancipatrices. Donc, il y aura une rencontre entre l'école en lutte et Silvio Marat. Le jeudi 15 décembre 2022, toute la journée, Bruxelles, bureau du CPAS près de chez toi. Alors, il y a une grève en front commun dans les 19 CPAS bruxellois pour un refinancement structurel des CPAS, une augmentation des salaires des gens et des allocations des usagers et des usagères, une baisse de la charge administrative, notamment avec l'arrêt du PIS et autres outils de flicage, qui les empêche de mener à bien le travail social. Travailleurs et travailleuses, usagères et usagers du CPAS, même combat. Jeudi 15 décembre 2022, 18h30, 21h, au DK rue du Danemark, 70B à Saint-Gilles, il y a Festive Assemblée 3, Housing Action Day, rencontre Living Rent. Alors, avec Emma Saunders, venue spécialement d'Écosse pour parler du syndicat des locataires Living Rent, qui a été lancé courant 2016. Living Rent est un syndicat de locataires qui compte aujourd'hui plusieurs milliers de membres partout en Écosse, mais aussi et surtout de nombreuses victoires, et la dernière en date, un gel de toutes les augmentations de loyers jusqu'à mars 2023. Donc vous pouvez voir en ligne sur le site de Belgium Housing Action Day. Alors ensuite, le vendredi 16 décembre, de 20h à 22h, à la clé, rue Frassmann 118, Kali est un conte féministe, un hymne à la libération du corps et de la sexualité des femmes. Il nous dit l'urgence de transformer la société patriarcale et ses constructions sociales, culturelles et historiques aliénantes, de mobiliser la force nécessaire à ce renversement. Donc c'est un spectacle de voix et de guitare donné par Humé et Benoît. Donc ça, c'est à la clé. Alors le vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre, à l'initiative de Bruxelles Panthère, la deuxième édition du Bandung du Nord aura lieu à Bruxelles. Donc Bandung du Nord, guerre permanente et ou paix révolutionnaire. Donc 3 jours de rencontres, de projections, d'interventions et de débats avec de nombreux intervenants et thématiques. Donc le 16 décembre 2022, de 21h à 23h au Cinéma Aventure, Galerie du Centre, accès par le 57 rue des Fripiers, il y aura la projection du documentaire d'Ahmed Frassini, « Après la balle du sniper », sur les 359 corps de détenus palestiniens qui se trouvent dans des congélateurs israéliens ou dans des tombes codées sans nom. Le samedi 17 décembre 2022, de 10h à 21h, au DK rue du Danemark, donc 70 1060 Saint-Gilles, il y aura Bandung du Nord, guerre permanente. Et le 18 décembre, toujours au DK, il y aura Bandung du Nord, la paix révolutionnaire. Donc vous pouvez voir toutes les infos sur le site de Bruxelles Panthère. Ensuite, pour terminer, le mardi 20 décembre 2022, de 18h30 à 21h, auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière, 30 à 1000 Bruxelles, il y aura une projection « Je danserai si je veux », qui est un film israélo-palestinien de la réalisatrice Messaloum Hamoud, qui relate l'histoire de Laïla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes en colocation à Tel Aviv, luttant pour gagner leur liberté malgré le poids de la société. Voilà. Bon, voilà, c'était l'agenda de 2 semaines, parce que... Jusqu'au 20 décembre. La semaine prochaine, Tranche d'un art n'est pas là, mais c'est la dernière émission de La Cloche de Bois. Et donc maintenant, on va terminer l'émission. Oui. C'est pas une dernière musique ? Non. Ok, il n'y a pas de dernière musique, mais tant pis. Alors on remercie encore Céline pour sa venue. Et puis, allez le 10 décembre voir la pièce de Maouda. Ça, c'est sûrement très intéressant. Peut-être aussi aller au Théâtre National pour voir la pièce de Maouda, l'autre pièce de Maouda, qui paraît-il assez bien aussi. Voilà. En tout cas, bonne soirée à tous et à dans 2 semaines. Jours. Salut. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.